Salut tout le monde, vous écoutez Sous pression aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français pendant 60 minutes. Alors, ça sera une excellente émission. J'ai rien de particulièrement spécial de planifier pour vous. C'est pas pour dire que l'émission sera pas spéciale, parce que chaque émission est spéciale, mais ça sera quand même une excellente émission. On a bien commencé avec Jeunesse Sapatride, la chanson Cœur de la Ville, tirée de leur album L'Arme au Poing. Jeunesse Sapatride, ce excellent groupe montréalais dont on a fait une entrevue il y a quelques mois, ça fait longtemps, déjà au mois de mars, quand on jouait au Hamilton dans le cadre du Rebel Fest. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'émission, la dernière émission en fait avant la campagne de levée de fonds de CHRY qui commence le 12 octobre et qui continue jusqu'au 22 octobre. Alors 10 journées de campagne de financement. C'est le temps de l'année où on vous demande, vous le public, nos auditeurs, nos auditrices, de nous appuyer, de faire un petit don pour soutenir la station CHRY et bien sûr l'émission Sous pression, afin d'appuyer la communauté, la radio communautaire et les médias indépendants. CHRY, c'est une station de radio communautaire et étudiante ici à l'Université York et à Toronto. Et on est à but non lucratif. On n'existe pas pour faire le profit, on existe vraiment pour servir la communauté. Et c'est ce qu'on fait 365 jours par année, 24 sur 24, 7 jours par semaine. Et c'est le seul temps de l'année où on demande à vous de nous aider en faisant un petit don, une petite contribution financière pour nous permettre à continuer à diffuser. La session, c'est presque entièrement faite par les bénévoles. La programmation, c'est toute par des bénévoles. Moi, je ne me suis jamais fait une scène ici à CHRY ou à une autre station communautaire. Ça fait déjà 7 ans que je suis impliqué dans la radio communautaire. On est ici parce qu'on aime ça. On est ici pour servir la communauté. Et on vous demande une fois par an de nous aider. Alors, ça commence la semaine prochaine. Et restez à l'écoute un peu, je vais vous donner un peu plus d'informations, les façons dont vous pouvez appuyer, faire une contribution financière. Mais avant de continuer, je vais vous rappeler que j'en ai parlé un peu la semaine passée. Si vous faites une contribution financière à sous pression de 20$ ou plus, vous allez vous permettre d'avoir une compilation de soutien, en fait, pour la station de radio que j'ai préparée. C'est des chansons par des groupes que je fais jouer à sous pression, dont une chanson par le prochain groupe qu'on va attendre, l'équipe. L'équipe, ils ont sorti un nouveau EP récemment, déclaré forfait. Ils ont été assez gentils de nous laisser nous servir de leurs chansons pour la compilation. On va aussi avoir des groupes comme Gaga Poubelle, Hard Times, Marabouts, plein de groupes. Alors, économisez vos sous et préparez vous pour ça et écoutez la semaine prochaine pour plus d'informations et pour appuyer la station. Alors, c'est ça. Je continue maintenant avec une chanson par l'équipe, la chanson « Pas de trouble » de leur album « Déclaré forfait » qui ont sorti récemment. Alors, voici l'équipe à sous pression. Avec toi, je prends mon temps, j'ai pas de... Bye. sur le zombie qui m'a fucking emporté. Vous écoutez toujours Sous Pression, aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Alors, on vient d'entendre du Guérilla Poubelle, la chanson Mort et Invisible, sortie tirée de leur album C'était mieux avant. Et Guérilla Poubelle sera sur la compilation que j'offre, qu'on va offrir Ici, Serge Charles Grec, à ceux et celles qui nous appuient pendant la campagne de financement qui débute la semaine prochaine, ou en fait, cette semaine du 12 au 22 octobre, on va l'offrir à ceux et celles qui font un don de 20$ ou plus pour appuyer Serge Charles Grec et sous pression. C'est vraiment une façon de vous remercier pour votre appui à la station de radio et à l'émission et à la radio communautaire et les médias indépendants en général. Mais avant ça, on a écouté du Jorbia avec Citizen Pelado, leur album Pelado au bûcher. On a commencé le bloc avec Pas de trouble par l'équipe de leur album Déclaré forfait qui ont sorti récemment. L'équipe aussi sera sur la compilation, alors si vous voulez entendre l'équipe Guerre Poubelle, plusieurs autres groupes excellents. Écoutez, la semaine prochaine, pendant l'émission, et vous pourriez faire un appel. Si vous écoutez en direct, vous pouvez faire un appel, faire un don. Sinon, vous pouvez aller sur le site web de l'émission www.souspression.wordpress.com pour plus d'informations sur comment faire un don en ligne, un don sécuritaire en ligne. Il va y avoir un lien vers un site web, je vais mettre ça bientôt. Et ou sur le site web Facebook de l'émission, c'est facebook.com/souspression. Il y a déjà de l'information là-dessus sur comment faire un don. Je vais en parler de ça un peu plus tard dans l'émission, mais je vous laisse maintenant avec les Ordures Ioniques et Vive les Punks de leur album Se Soulage. À sous-pression. Toujours par splitter, il continue à gueuler contre toute forme de d'autorité. plus que j'écris. En temps alloué, en produit fini. Je chie beaucoup plus que j'écris. J'ai de la merde au bout des doigts. Dans mes cheveux, j'ai les esprits. Des choses ridicules, un grain de sel dans l'océan, moins que rien, car me parler ne sert à rien, je t'ai jamais trouvé, je t'ai cherché en vain. Si ma chanson est un produit, si ma tête est une usine, il me pollue pas au moins ce conseil. Si les facteurs de ta chaise sont déséquilibrés, mais notre CD sous le tel est en déséquilibre, ça va rien. Tu cherches à se souvenir, que ça joue sans espoir, tu rêves de l'amour. encore sous la pluie, boy. Tu marches sous la pluie. Tu marches encore sous la pluie, boy. Tu marches sous la pluie. Tu marches encore sous la pluie, boy. Tu marches sous la pluie. Tu marches encore sous la pluie, boy. Tu marches sous la pluie. Tu marches dans ton quartier car tu n'as rien à faire. Il n'y a pas de travail pour les classes populaires. Mais ce n'est pas moi. des gens se penchent, attirent les jeunes, mais ce n'est pas moi. Le feu sacré, la volonté, liberté. Le feu sacré. On vient d'entendre Immortel par La Gâchette, leur album Ne renoncera pas. La Gâchette qui sera dans le studio au mois de novembre. Je crois qu'il rentre dans le studio le 11 novembre. Alors, ça sera fantastique de pouvoir entendre du nouveau matériel par le groupe. C'est un petit bout de temps, 2-3 ans environ, là, qui ont sorti leur dernier album, quoi qu'il advienne. C'est un excellent album. Je suis certain que le prochain album sera merveilleux. Avant ça, c'était J'aurais voulu avec Feu Sacré, tiré de l'album du même titre. Bonne journée avec 80% sourd. Bonne journée, en passant, va faire un dernier concert bientôt. Ils ont jamais fait un dernier concert officiel, alors le groupe s'est dit qu'ils vont en faire un avec l'équipe, si je ne me trompe pas, et peut-être les Sprats. Zabriskie Point avant ça avec Amélie, Les Partisans avec Sous la pluie, Rude Boy, Vulgaire Machin avec Chanson à vendre, et on a commencé le bloc avec Vive les Punks par Les Ordures Ionique. Alors, c'est ça, notre émission tire malheureusement à sa fin. Il nous reste environ une quinzaine de minutes, 10-15 minutes, assez de temps pour faire jouer une couple de chansons. Mais je vous rappelle toujours que vous pouvez visiter le site web www.souspression.wordpress.com pour plus d'informations sur l'émission. Vous pouvez aussi télécharger l'émission gratuitement à partir du site web. Vous pouvez l'écouter à partir du site web. On met la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Je mettrai aussi l'information concernant la campagne de levée de fonds de CHRY et les façons dont vous pouvez appuyer la station et appuyer l'émission sous pression. Et je vous rappelle, si vous faites un don de 20$ ou plus, on vous donne un CD de compilation de chansons par des groupes qu'on fait jouer en ondes à sous pression. Tels que, comme j'ai mentionné plus tôt, Guerre Poubelle, l'équipe, il y a aussi, on va aussi avoir une chanson par Marabouts, par Hard Times, le 8-6 Crew, l'Escalope, il y en a plein, j'en manque, là, Justine, Maladroit, j'en manque, il y en a plein, c'est une excellente compilation, je l'écoute souvent, là, puis, alors je vous le dis, mon opinion personnelle, et... un don de 20$ ou plus, ça vous gagne, si vous méritez le CD. Vous pouvez donner plus que 20$. Si vous donnez plus que 20$, CHRY Grec vous offre des cadeaux, des prix aussi. Alors, restez à l'écoute. Écoutez la semaine prochaine pour plus d'informations. Mais alors, il nous reste une couple de minutes. Je vous laisse avec trois dernières chansons. Je vais essayer de faire jouer du Marabout, du Hard Times et du Corgan Fest. Marabout, sa chanson ennemie numéro 1 tirée de leur démo, sortie l'année passée. Hard Times, on est Al, leur album Life is a Battlefield. Hard Times vont faire leur dernier concert au mois de novembre. C'est malheureux, j'aimerais tellement ça être là, à Paris, mais c'est pas proche Paris. Ça se fait pas dans 2-3 minutes de marche non plus. Parce que on va terminer avec Corgan Fest, la victoire en chantant tirer l'album du même titre. Alors, restez à l'écoute et on se revoit la semaine prochaine. Économisez vos sous, ça va être une excellente émission de levée de fonds. Prenez soin de vous et on se revoit. Ciao. Je t'enlève. coordinateur de violence volontaire, les skinheads attaquent des néo-nazis. Ces skinheads, dits du chat, passent leur samedi après-midi à casser de la brute fasciste. Dans une minute, notre reportage exclusif en direct de l'hôtel de police. Oh, on est les skins de Paname. Oh, on est les skins de Paname. Oh, on est les skins de Paname. De Paname. Ouais, Paname. Paname. Oh, on est les skins de Paname. Oh, on est les skins de Paname. Oh, on est les skins de Paname. Ouais, Paname. C'est Paname. Ici Elle est à nous la victoire en chantant.